Welcome, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la Croisière Folk que vous écoutez, une émission qui vous fait voyager et découvrir toutes les facettes de la musique folk. Alors, si vous avez envie de nous rejoindre, nous écrire, eh bien, sachez que nous avons une adresse, lacroisièrefolk@yahoo.com. Et puis, n'oubliez pas de liker notre page Facebook. If you want to write to us, we have an email address, lacroisièrefolk@yahoo.com. And also, do not forget to like our Facebook page called La Croisière Folk. Voilà, comme ça, eh bien, le monde entier m'a compris. Nous avons démarré l'émission d'aujourd'hui avec The Gothard Sister, extrait de leur album Dragonfly, un album de 2021. C'était Shadow and Sun. On poursuit avec Jaylee Roberts, The Best of Me, extrait de son nouvel album Something You Didn't Count On, l'album de 2022. Et on poursuit aussi après avec Andy Thorne, Stork Bite, Je n'ai jamais été mordu par une cigogne. Par contre, des cigognes, si vous avez envie d'en voir, eh bien, n'hésitez pas. Allez vous balader du côté du parc de l'Orangerie à Strasbourg. Et vous pouvez aussi vous balader sur le bord de la rivière. La rivière s'appelle Ille. Et vous passerez à côté des studios de la chaîne de TV Arte. Tiens, en fait, vous savez ce que ça veut dire, Arte ? Eh bien, c'est l'association française par rapport à la télévision européenne. Et dans cette première partie d'émission, il y aura aussi Clémentine de Pete Seeger. Allez, je vous souhaite une excellente croisière en ma compagnie. Si vous avez un problème, eh bien le capitaine est là. Le capitaine, c'est moi, c'est Eric Cooper. Et je me plierai en quatre pour réaliser tous vos désirs. Enfin, presque tous. C'est absolument génial et fantasmagorique. You wouldn't see me coming. I would have never. It was In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Light she was and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she ducklings to the water every morning just at 9. Stubbed her toe upon a splinter, fell into the foaming brine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. There's a churchyard on the hillside where the flowers grow and twine. There grow roses amongst the posies, fertilized by Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Pete Seeger, à l'instant avec Clémentine, et tout de suite, voici notre chronique 1, 2, 3. 1, 2, 3. La chronique 1, 2, 3, c'est une chronique qui existe depuis le début de l'émission, qui en trois morceaux vous fait découvrir un album folk. Et aujourd'hui, c'est le tout nouvel album du groupe Viorel. L'album s'appelle Flandrien. Alors, Viorel, eh bien, se passionne pour le bal folk. C'est une musique faite pour la danse, interprétée par Artwin Dor, qui a fait partie du trio Les Frères Dor et qui avait sorti en 2019 un album qu'on vous avait présenté, l'album Auguste. On écoutera d'ailleurs un extrait en fin d'émission. Donc, Artwin Dor à l'accordéon et Jeroen Gerink à la guitare acoustique. Tous deux jouent en tant qu'artistes solo à travers l'Europe depuis des années. Et Viorel, c'est maintenant une nouvelle étape dans leur parcours musical. Grâce à leur amitié de longue date, ils ont trouvé l'inspiration dans la persistance de l'autre à continuer à faire de la nouvelle musique, même dans la période difficile de 2020-2021. La spontanéité et la pureté sont au cœur de la création musicale qu'ils font ensemble avec leur tout nouveau répertoire. Ils visent en fait à établir une véritable connexion avec les danseurs. Cet album, leur premier album, contient 11 mélodies originales et douces qui reflètent l'énergie de leur performance live. Donc, le duo s'appelle Viorel, l'album s'appelle Flandrien. On écoute trois morceaux, Roi du parquet, Simon's Waltz et Flandrien. 1, 2, 3. Thank you. voilà, j'espère que vous avez apprécié cet album qu'on vous a présenté aujourd'hui dans 1, 2, 3. C'est donc le nouveau duo belge Viorel avec Flandrien. Un album dont j'ai sorti 3 morceaux, toujours difficile de choisir. Sur 11 morceaux, il faut en choisir 3. C'était Roi du Parquet, Simon Waltz et Flandrien. Alors, nous avons un partenaire. Vous savez qu'on vous diffuse souvent des poèmes et j'ai trouvé une association super sympa qui s'appelle Thalie Envolée. C'est un projet artistique, innovant et philanthropique. Ils sont situés à Bruxelles. Leur but est de rendre la poésie plus accessible parce qu'elle est encore et toujours vivante. Alors, vous allez vous demander, mais Thalie, pourquoi le nom ? En fait, Thalie, c'est une muse et dans la mythologie grecque, les muses sont les filles de Zeus, le dieu suprême dans cette mythologie, et de Mnémosyne, qui est une titanide. Donc il a 9 filles, donc 9 muses. Donc la titanide, elle est fille d'Ouranos et de Gaïa, la terre. Elle est la déesse de la mémoire. Elle aurait inventé les mots et le langage de la terre entière. Elle a donné un nom à chaque chose, ce qui rendit possible le fait de s'exprimer. Voilà, on se croirait dans Astérix. Les 9 muses, je vais vous les citer. Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Thalie, Uranie. Voilà, donc ça, ce sont les 9 muses. Mais plus important encore, si vous avez envie peut-être d'écouter les poèmes de Thalie Envolée, vous allez sur leur site, Thalie. THALIE et puis envolée.be et vous pouvez écouter leurs poèmes sur YouTube, SoundCloud et les suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Et tout de suite, un premier poème qui vous permettra un peu de voir et d'écouter surtout ce qu'ils font. C'est un poème de Guillaume Apollinaire. Pardonnez-moi mon ignorance, il est interprété par Laura Dussard, que l'on salue. Allez, je veux que vous saluiez tous Laura Dussard qui va nous interpréter ce poème. Et ensuite, juste après, il y aura John Baez avec Blowing in the Wind, c'est live, lors d'un concert en 75 au Central Park à New York. Ensuite, The Wilderness Yet avec Charlie Fox. Wilderness Yet réunit les talents de la chanteuse folk Rosie Hodgson, c'est bien ce que je disais, du violoniste Juan Pigott et du guitariste flûtiste Philippe Barnes. Et ensuite, Ross Hensley avec The Badger and the Weasel, le blaireau et la belette. Cet extrait de leur tout nouvel album qui s'appelle Lass, un album sorti le 2 septembre. C'est un album instrumental écrit par le joueur de cornemuse Brigid Schemble. Le musicien et compositeur Ross Hensley, il est écossais, et le guitariste et batteur irlandais Stephen Burns à Berlin. Voilà, il a composé cet album qui s'appelle Lass, de chansons traditionnelles écossaises et d'airs de Bulgarie, d'Espagne et de France. Pardonnez-moi mon ignorance. Pardonnez-moi mon ignorance. Pardonnez-moi de ne plus connaître l'ancien jeu des vers. Je ne sais plus rien. Et j'aime uniquement. Les fleurs à mes yeux redeviennent des flammes. Je médite divinement et je souris des êtres que je n'ai pas créés. Mais si le temps venait où l'ombre, enfin solide, se multipliait en réalisant la diversité formelle de mon amour, j'admirerais mon ouvrage. How many exist before they're allowed to be free. Le silence est le plus beau bijou d'une femme. Il est vrai qu'elle le porte rarement. When the owl is on the wing, the fox is on the paw, it's down into the farmyard to pay his friends a call. He'll grab the old tray by the bag, or maybe a fat old hen, or even take a newborn lamb from its mother in the pen. Most times he hunts the hunger, but sometimes it's just the fun. His gun. He'll sit there in the leafy copse and mingle red with green. His nerves are of the toughest steel and all his wits are keen. He's awoken by a distant sound all on an autumn morn. His ears are cocked aloof as he hears from huntsman's horn. He's thinking of his fixer man that pups his sheba's mind. He'll have to draw yon trap away. Thank you. Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. Et si on s'arrêtait un petit peu en Écosse, pays merveilleux, j'ai eu l'occasion d'habiter à Édimbourg. Alors c'est un pays de légende et bien plus encore. L'Écosse est un subtil mélange entre une nature brute et sauvage, une histoire riche et une culture singulière. Les amoureux de landes couvertes de bruyères et de loques romantiques, de falaises, de cascades rentreront comblés. Surtout s'ils s'aventurent dans le nord-ouest du pays à la découverte des Highlands. Quant aux Écossais, on les découvre très chaleureux, à l'image de l'atmosphère qui règne souvent dans les pubs. Et on découvre l'Écosse avec le guide du routard qui s'appelle nos 1200 coups de cœur du monde. Alors, vous pouvez faire plein de choses, hein. Découvrir l'art nouveau écossais, randonner au cœur du massif montagneux de Culling Hills sur l'île de Skye. Vous pouvez visiter, faire une overdose de musique gratuite à Édimbourg et à Glasgow. À Édimbourg, puisque je vous parlais que j'y avais habité, il y a de superbes musées. Moi, je vais vous avouer, le château d'Édimbourg, j'ai pas vraiment été impressionné. C'est vrai que quand on habite un pays où on a Dinan et Bouillon, il faut beaucoup pour nous impressionner. Mais par contre, je vous suggère le musée du whisky, où on voyage dans une barrique et on visite vraiment, on apprend à connaître l'histoire du whisky. Il y a le musée du jouet qui est intéressant. Le People Museum, il y a un endroit où on se retrouve dans une pièce où une personne qui n'est pas dans la pièce fait la lessive, on sent une odeur de lessive. Il y a la musique des années 40 qui joue et on a vraiment l'impression que la personne va rentrer dans la pièce. Vous pouvez vous promener aussi au jardin botanique d'Édimbourg, qui est extraordinaire. Il y a plein de petits écureuils gris. Prenez des noisettes dans vos poches parce qu'il y a plein de petits écureuils gris. Vous leur tendez la main, il ne faut pas les caresser, hein, mais ils viendront manger dans votre main. Il y a aussi un parc qui borde la rue principale. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir à Édimbourg et vous croiserez beaucoup d'Écossais en kilt. Je tiens quand même à vous prévenir. Allez, on poursuit avec le Caribou Volant. C'est un duo franco-québécois, extrait de leur album Abbey Road de 2021. On écoutera Après l'amour. David Lostana qui a arrêté de faire des albums, qui sur son site met tous les albums gratuits. On écoutera un extrait de À la maison de 2016, le nouveau Jésus. Et puis Loni, la fille de Thierry Lhermitte, qui a sorti son premier album solo qui s'appelle Ex Voto. Et on écoutera Le Sable Normand. Ah merde alors, comment on dit comment ça? Comment ça merde alors? But alors, you are French. Il paraît que la mélancolie est dame orchestre des plus belles douleurs. Et l'amour souvent se lit dans l'expression de nos fureurs. On était jeunes, aventuriers, l'exploration sentimentale. Au gré des arts dans notre terrier, pousser des êtres bois de santal. Notre nature complémentaire pousse dans l'esprit tant de chimères. Dans l'odyssée de tes confidences, un jeu d'amour et de confiance. Papa. S'en mêle. L'amour, l'amour, l'amour colle à la semelle. Toujours, toujours, toujours dans mes pas, il s'en mêle. Il paraît que les balades sont nos plus belles échappées. Dans les rivières coulent des cascades que nous ne pensions pas rencontrer. On était jeunes, on avait le temps de prendre le temps des belles années. Voir à Bruxelles l'art en mouvement comme une grande œuvre à compléter. Notre nature bien différente nous fit comprendre l'élémentaire. Mais à Paris, indifférente, nous vivions dans l'alimentaire. Semelle, toujours, toujours, toujours ils s'en mêlent. L'amour, l'amour, l'amour colle à la semelle. Toujours, toujours, toujours t'en mets pas, ils s'en mêlent. Il paraît qu'après le jour vient cette nuit longue éternelle. Mais pour ceux qui ont connu l'amour viendra peut-être une autre nouvelle. Passe les jours, passe les ans, notre regard s'est transformé. Si j'ai voulu changer de temps, c'est pour te rendre ta liberté. Notre nature trop différente vogue dans nos souvenirs brisés. Dans mon présent, tu es absente, mais ton sourire je l'ai gardé. Qu'est-ce qui s'est passé, misère? Qui a décollé sévère? Quel est l'enfant d'enculé qui a cagué l'humanité? Faut dire qu'il s'est fait plaisir, s'est appliqué pour farcir dans nos corps les malheureux, tous ces petits penchants vicieux. Obscène, encore moins de m'envoyer au beau milieu de la mêlée. Fallait pas me donner le même sang que cette courte de gland. Je ne voulais rien partager avec ces dégénérés. On attend toujours le nouveau Jésus. Cette armée d'égoïstes, pourriture esclavagiste. Et pourtant c'est pas facile de ne pas rentrer dans la file. J'ai souvent la tentation de lentement virer vieux con. Quelle idée de nous bourrer, de bêtises, de préjugés. Je sais d'où vient cette odeur, de la pourriture de nos cœurs. Quelle ordure est venue pondre des bestioles la plus immonde. Celle qui bousille à peu près tout ce qui lui est étranger. Les heures tranquilles passent sans faire de bruit. Tout semble calme, loin du rivage, la Normandie. Et sans nuages, comme le ciel paraît immense et sans secret, ce matin-là. Dans tes yeux clairs brillait l'été. C'était la Manche et moi j'aimais comment le sel mêlait tes cheveux et la couleur du sable normand. J'ai cru qu'en moi le vent tournait comme change la marée et que l'orage derrière les mers était passé. C'était la manche et moi j'aimais comment le sel on met la tâche et la couleur du sable dormant. Voilà, c'est ici que je vous dis au revoir. Mais attention, la croisière est arrivée, elle est arrivée à bon port. Je vous rappelle hein, que si vous avez envie peut-être d'écouter de la poésie de notre partenaire poétique qui s'appelle Thali Envolée, vous pouvez aller sur leur site, hein, Thali, T-H-A-L-I-E, et puis envolée.be. Vous pourrez les écouter sur YouTube et SoundCloud et les suivre sur Insta, Facebook et Twitter. Et chaque semaine, vous retrouverez bien sûr dans cette émission un poème qui sera lu par l'un de leurs comédiens ou comédiennes. Et on se quitte avec le Trio d'Or. Je vous parlais de cet album Auguste, sorti en 2019. Un album qui raconte l'histoire d'Auguste, hein, qui était un pêcheur flamand du 18e, je pense, qui a fait pas mal de voyages jusqu'au nord, en Suède ou en Finlande. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas le communiqué de presse sous les yeux, mais c'est un album excellent. Donc Auguste de Trio d'Or, on écoutera Paul Dervur. Et puis moi je vous dis au revoir, merci de votre fidélité, et comme d'habitude, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à très bientôt. I'll be back. Logic, logic, I'm sick to death of logic. Do you want to know how I feel about your logic? Emotional, isn't she? She has always been that way. Indeed. Why did you marry her? At the time, it seemed the logical thing to do.